France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Au cahier du cinéma, dans les années 50, il y avait les anciens, Bazin, Doniol Valcroz, Pierre Caste, et les jeunes turcs, farouches tenants de la politique des auteurs, Romer, Truffaut, Rivette, Chabrol, Godard, que Bazin surnommait les Hitchcockoxiens. L'évidence est la marque du génie de Hawks, écrivait Jacques Rivette en 1953 dans un article resté célèbre. Les héros le retiennent moins par leurs sentiments que par leurs gestes, qu'ils poursuivent d'une attention passionnée. Ils filment des actions en spéculant sur le pouvoir de leurs seules apparences. Le génie de Howard Hawks, par la bande-son de ses films, on le retrouvait dans un numéro d'Euphonia de 1989 proposé par Noël Simsolo. En compagnie de Jean-Claude Billette, dont les premières collaborations au cahier du cinéma datent de 1964, il s'intéressait à Dimitri Tiomkin, qui signa la musique de quelques-uns parmi les plus importants des films de Howard Hawks. Euphonia. Cinéaste et musicien par Noël Simsolo avec la participation de Jean-Claude Billette. Aujourd'hui, Hawks, Tiomkin. Musicien pour cinéaste, quatrième émission, Dimitri Tiomkin, Howard Hawks avec Jean-Claude Billette, générique et ouverture de Red River, La Rivière Rouge, 1947. Dunson here says he's leaving a train. Is that right, Dunson? Are you leaving? I am. You can't do that. You signed on. You agreed? Signed nothing. If I had, I'd stay. You'll remember I joined your train after you left St. Louis. Wait a minute, Dunson. You know this is Indian country. You might be walking right into trouble. For 2 days past, and this day, we've seen smoking signs. Yeah, we know that. They're around somewhere. I can feel them. As far as you're concerned, the Comanches are welcome to you. But not to your bull and your cows. We need the beginnings of herds in California. You're right about one thing, the beginning of herds. But I'm starting my own herd. I watched the land south of here since we left the Salt Fork. It's good land, good grass for beef. So I'm going south where it is. Now look, Dunson, you're too good a gun for me to let you leave the train now. And I'm too good a gun for you to argue with. If I was you, Colonel, I'd ponder on letting him be. He's a mighty set man. When his mind's made up, even you can't change him. Now I'd be heading south. Mind he don't stomp on you the way out. Are you leaving too? Colonel, me and Dunson. Well, it's me and Dunson. Tell him I wish him luck. Good luck to you, Colonel. I decided last night. I decided too. I want to go with you. No, I'll say. I know you have work to do, Tom, but I want to be part of it. I love you. I want to be with you. Not now. Well, I'm asking you, Tom, please take me with you. I'm strong. I can stand anything you can. It's too much for a woman. Too much for a woman? Put your arms around me, Tom. Hold me. Feel me in your arms. Do I feel weak, Tom? I don't, do I? Oh, you'll need me. You'll need a woman. You need what a woman can give you to do what you have to do. Oh, listen to me, Tom. Listen with your head and your heart, too. The sun only shines half the time, Tom. The other half is night. I've made up my mind. Well, change your mind, Tom. Just once in your life, change your mind. I'll send for you. Will you come? Of course I'll come. But you're wrong. Mothers. Go, please. If you're going to go, please go now. I want to be with you so much. My knees feel like... Howard Hawks, Tom Keene, Red River, leur deuxième collaboration après, avant la guerre, Only Angels Have Wings, Seuls les anges ont des ailes. Avec moi aujourd'hui, pour parler de Tom Keene et de Hawks, Jean-Claude Biette, producteur à France Musique, mais également cinéaste et critique de cinéma, admirateur de Hawks et de Tom Keene. Jean-Claude Biette, Tom Keene et Hawks, la rencontre n'a pas été tardive vu qu'ils ont travaillé avant la guerre, mais l'un et l'autre ont travaillé avec des musiciens ou avec des cinéastes auparavant extrêmement différents. Oui, on peut dire que leurs horizons culturels n'ont vraiment rien à voir. Et Tom Keene, Hawks, on connaît un peu parce qu'il y a... C'est quelqu'un qui a toujours travaillé aux États-Unis dans le cadre du cinéma américain, précisément hollywoodien. C'est un Américain, un pur Américain. Et Tom Keene est quelqu'un qui vient de Russie. Il est né à Saint-Pétersbourg. En tout cas, il a fait ses études musicales à Saint-Pétersbourg, principalement avec Glazounov. Et donc, c'est quelqu'un qui est nourri de musique russe. Alors justement, vous connaissez l'anecdote célèbre, c'est que comme Tom Keene a fait beaucoup de westerns, un jour, un journaliste qui se croyait plus intelligent que les autres dit « Mais comment ça se fait qu'un russe comme vous fait la musique des westerns, qui est l'Amérique ?» Et il a répondu « Vous savez, une plaine est une plaine. » Je crois que c'est une réponse pleine du monde, mais vraiment très juste. Oui, effectivement, parce qu'il a répondu en musicien qui travaille pour l'image. Alors, Tom Keene, il a quitté le... j'allais dire les USA, a quitté la Russie en 1917, à la Révolution, et il est parti vivre à Berlin. Et Berlin, dans ces années-là, c'était quand même la capitale de la musique avec Paris. C'était les deux grandes capitales de la musique. Et il est resté jusqu'en 24, quelque chose comme ça. Et il a travaillé, curieusement, avec quelqu'un qui est de plus en plus important aujourd'hui, parce que c'était un esprit universel et un carrefour des musiques, c'est Ferruccio Busoni. Et bon, il a, semble-t-il, été très marqué par Busoni, Tom Keene. Et puis en 24, il est venu à Paris quelque temps. Et en 25, il est parti aux États-Unis. Et là, sa carrière musicale est liée à Gershwin, parce qu'il a beaucoup travaillé avec Gershwin. Et petit à petit, ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'il a créé le concerto en fa de Gershwin en Europe. Et Tom Keene il a fait des études pour être compositeur, mais il était aussi pianiste. Et c'est cette juxtaposition de deux expériences complémentaires, mais qui ont été, évidemment très utiles pour son travail à Hollywood. Je crois que d'ailleurs, en tant que pianiste, il a travaillé sur différents registres, classiques, mais également. Oui. Il a accompagné au piano des films en URSS, dans les années 10. Donc en Russie. Donc en Russie. À l'époque. Oui, donc en Russie à l'époque, effectivement. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que Hawks, avant, lui, avait travaillé avec différents musiciens selon les studios où il travaillait. Il faut quand même expliquer qu'il y avait des musiciens attitrés à les studios. Par exemple, il a travaillé avec Max Steiner et Franz Waxman, qui étaient les musiciens de la Warner Bros., qui faisaient un peu tous les films importants avec grands acteurs, grands scénarios et tout. Et que Hawks avait été très moderne dans la mise en scène, accepté le principe, parlons-en tout de suite, parce que ça va nous marquer dans l'extrait suivant que nous entendrons, du 100% de musique. Je crois qu'il faut expliquer qu'il y a le 100% de musique. C'est Max Steiner qui avait lancé ça en 31. C'est que, quand il y avait un film, il ne devait pas y avoir des moments musicaux, mais la musique devait être tout le temps, en sorte, disons, de de contrepoint ou d'illustration selon les styles. De renforcement. 100%. C'est-à-dire qu'un film de 85 minutes, il y avait 85 minutes de musique, qui était une partition complète. Et, il y a beaucoup de gens très différents. Et lorsqu'il fait son premier western, Red River, pour en arriver là, il prend Tiomkin sur ce principe, en fin de compte. Oui, et ça, c'est un principe. Je pense que c'est venu à la fois d'un passage du muet au parlant et du fait qu'on a conservé du muet cette habitude de mettre de la musique partout, sans doute par crainte des creux, des retombées, sans doute aussi pour maintenir un climat dans le film. Bon, ça c'est quelque chose qui va continuer assez longtemps dans le cinéma américain. Alors là, nous allons écouter une petite séquence qui va préciser deux choses. La première, c'est que Tiomkin, contrairement à d'autres musiciens pour cinéastes qu'on a entendus depuis la série de cette émission, n'est pas comme les autres, c'est-à-dire qu'il joue le fait de l'illustration. C'est un cinéaste qui aime, il n'est pas naturaliste, c'est un musicien il aime qui est illustrer. Pas... Oui. Mais son illustration est autant faite sur des allusions de ce qu'on ne voit pas, et que la musique fait donc penser à cet événement qui existe, ou souligne des faits et des gestes que l'on voit avec une certaine redondance. Et nous allons écouter au début du film l'attaque par les Indiens dans le noir, où les musiques indiquent ce qui se passe, où les sifflements des gens indiquent comment ils fonctionnent et tout, qui est donc la première séquence dans Red River, où John Wayne et Walter Brennan sont attaqués par trois ou quatre Indiens, on ne sait pas très bien. Oui, ils sont très peu, et ça commence par les sifflements. Nous allons l'écouter, et vous la commenterez après, Jean-Claude Biette. What river do you reckon that is? The Red River, I think. If it is, that's Texas on the other side. How about calling it a day, huh? All right. Wheel your wagon. It's too big for a signal smoke, ain't it? Yeah. It's just about where the wagon train would be. Why do Indians always want to be burning up good wagons? Take us hours to get back there. Yeah. Should have took her along. Well, they'll most likely be sending some out after us. If they do. This is as good a place as any. Swing the wagon around, we'll keep the river at our back. Hey, get up! Les musiques qu'on entend, c'est à la fois le commentaire musical, Jean-Claude Biette, de ce que l'on voit, et en même temps de ce que l'on doit deviner, de ce que eux, les acteurs du film, ne voient pas hors de l'écran, et que le spectateur ne voit pas hors de l'écran, voilà, qui est indiqué en même temps. C'est un peu la fonction de suggérer le hors-champ. Voilà. Et c'est un principe qu'on trouvera beaucoup dans la musique de Tiomkin lorsqu'il travaille avec Hawks, essentiellement, et qui était en œuvre aussi dans l'ouverture de Red River qu'on a entendu, dans la mesure où là c'est un peu l'inverse, en sens qu'il y a un principe assez subtil entre le fait que le début du film est filmé comme une fin de western, alors que c'est le début d'une histoire, et que la musique, elle, rétablit l'équilibre. Answer him. Huh? Answer him. Alors, bien que Hawks et Tiomkin avaient déjà travaillé ensemble avant la guerre, et que Red River est une retrouvaille sur un thème de western, premier western de War Hawks, entre parenthèses, Red River, c'est un petit peu un mélange de ce qui existait dans l'Hollywood d'avant, la musique 100%, illustrative, avec quelques dérèglements, quelques décalages intéressants, mais ça n'est pas encore, si l'on veut, l'osmose complète sur une idée générale. C'est-à-dire que Hawks et Tiomkin travaillent parallèlement, Hawks décide après comment intégrer les musiques de Tiomkin dans son idée générale du film. Telle que Tiomkin avait l'habitude de le faire avec d'autres, pour d'autres productions et pour d'autres metteurs en scène. Et quelques années plus tard, Hawks, qui faisait entre-temps des films policiers ou des comédies, décide de revenir au western début des années 50 avec un sujet qui est en français La Cavité aux yeux clairs. Bon, mais oublions ce titre car le titre anglais est The Big Sky, le grand ciel. Et quand on voit le film avec ses ciels immenses, la forêt, c'est tout à fait logique. Et son noir et blanc extraordinaire. Et là-dedans, la musique a une autre fonction, beaucoup plus décalée du principe énoncé précédemment, Jean-Claude Biette. Et moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est que plutôt que d'en parler tout de suite maintenant, nous allons écouter une suite. Parce que Tiomkin, comme d'autres musiciens, compositeurs hollywoodiens, lorsqu'il travaillait sur un film et composait des musiques qui servait pour telle séquence, telle séquence, telle séquence. Par la suite, il composait une sorte de suite musicale autonome, spécifique, qui résumait les thèmes du film en un morceau. Et ça nous permettra de voir quel est le style musical de Tiomkin, hors le cinéma, en quelque sorte. C'est donc la suite de The Big Sky, qui est un peu longue, mais qui nous montrera bien comment il travaillait. Et cela, nous le commenterons ensuite, si vous le voulez bien. Jean-Claude Biette, avant de commenter cette séquence, comme je sais que vous adorez les anecdotes et que dans vos films, il y a un mélange d'humour et de rigorisme qui joue bien, il y a quand même deux anecdotes intéressantes à savoir sur Tiomkin. Bon, Tiomkin, à partir d'ailleurs de Red River, devient le cinéaste spécialiste des westerns, l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure. Et vers 56, comme ça, Samuel Fuller prépare un western qui s'appelle Run of the Arrow, le jugement des flèches. Et Tiomkin vient le voir en lui disant, écoutez, Fuller, c'est pas possible, vous allez faire un western, il y a que moi, je suis russe, mais il y a que moi qui peux faire les musiques des westerns. Et Fuller lui dit, écoutez, oui, c'est vrai, mais enfin, bon, moi, je suis désolé, j'ai déjà quelqu'un. Ben, non, c'est pas possible, c'est moi, c'est pas ce quelqu'un, c'est moi. Il dit, mais ce quelqu'un s'appelle Victor Young. Et là, Tiomkin s'est prosterné en lui disant, Victor Young, très bien. Ce qui montrait une certaine modestie et lucidité. Ça, c'est formidable. Sur les choses. Mais ce qu'il faut aussi savoir, et je crois que ça, c'est un peu une manière, comme on dit techniquement en radio, de vous tendre la perche, c'est une autre anecdote extraordinaire sur Tiomkin. Il a l'Oscar avec la musique et la chanson de High Noon, le train sifflera trois fois, un film d'ailleurs assez médiocre entre nous que Hawks détestait. Et il a même fait le film dont nous parlerons tout à l'heure, Rio Bravo, oui, contre ce film. Et quand il monte recevoir son Oscar, vous savez très bien, c'est comme les Césars ici en France, les types arrivent et disent « je remercie mon producteur, je remercie l'acteur, je remercie tout le monde ». Et quand Tiomkin arrive, on lui donne l'Oscar et il dit bah, « écoutez, moi je voudrais remercier Tchaïkovski, Stravinsky, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann ». Et ce qui paraît une blague, en fait, n'est pas une blague. Parce que c'est peut-être un des compositeurs hollywoodiens très conscient de l'héritage de toutes les musiques précédentes existantes qu'il utilisait plus ou moins dans les systèmes afin de servir la commande. Ce qui n'empêche pas d'avoir son autonomie propre. Et quand nous entendons la suite là de The Big Sky, il est vrai qu'on peut penser à des références, mais aussi à certaines techniques musicales qui sont assez qui sont même extrêmement intéressantes dans le Biette. Mais c'est-à-dire que plus on écoute de musique de Tiomkin, plus on peut voir que c'est quelqu'un qui avait deux dons très particuliers. D'abord un certain sens mélodique, parce qu'il y a des très beaux thèmes chez Tiomkin. Et d'autre part, un certain sens de la d'une orchestration souvent utilisant la technique, enfin la sourdine. Et c'est quelqu'un qui aime bien une sorte de fondu entre de mélange entre les cuivres et les cordes. Qui va au point d'ailleurs quand il y a des moments quand on écoute, on ne sait plus très bien si c'est des cordes qu'on entend ou des cuivres. Il y a un amalgame qui se fait. Et il y a une espèce de proximité qui fait qu'on ne sait plus. Qui est une chose des plus qui sont parmi les plus intéressantes de la musique de Tiomkin. Et ça, je crois que, en fait, ça vient de Busoni. C'est quelque chose qu'on trouve dans les opéras de Busoni, évidemment de manière beaucoup plus géniale, mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans les films de Hawks. Là, il y en a un dont on ne parle pas, c'est La Terre des Pharaons. Alors, il y a une chose que... Qui se situe juste après, d'ailleurs, The Big Sky. Oui. Au niveau chronologique. Oui. Et, en fait, ce que Hawks semble avoir demandé à Tiomkin, en tout cas, ou ce que Tiomkin a compris du système de cinéma de Hawks, c'est que cette musique doit accompagner le film. Alors, on l'a vu avec Red River, soit en amplifiant les choses d'une manière ultra symphonique, et puis, soit comme on verra tout à l'heure avec Rio Bravo, d'une manière beaucoup plus presque, je dirais, analytique, et avec les instruments beaucoup plus à découvert. Et en fait, ce que la musique apporte au film de Tiomkin, apporte au film de Hawks, c'est une espèce de figuration de l'écoulement du temps. Alors, moi, quand j'entends la suite symphonique de The Big Sky, La Captive aux yeux clairs en France, par rapport à Rio Bravo, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence, petite d'ailleurs, peut-être plus grande qu'on croit. Oui. C'est que dans La Rivière Rouge, Tiomkin est un illustrateur acceptant le système du 100% de musique, sa musique existant tout le long du film, relançant des données montrées à l'écran ou des choses hors de l'écran, mais toujours comme une illustration. Pas naturaliste, mais une illustration. Alors que dans The Big Sky, cette espèce d'utilisation des cordes et des cuivres comme la même chose, même on entend des vagues chœurs à des moments qui se fondent dans le reste de la musique, ça crée une sorte de tapisserie. Une sorte de tapisserie dans laquelle le film navigue. Et je dis pas ça innocemment, car on sait très bien que tout est fait sur un parcours de navigation. Et qu'à ce moment-là, on a l'impression que Tiomkin trouve, dans son système hollywoodien de compositeur de musique, le moyen de créer sa propre musique tout à fait personnelle, tout en servant totalement la personnalité du metteur en scène avec qui il travaille. Oui, ça, je dois dire que c'est, pour moi, c'est peut-être sa musique la plus réussie pour le cinéma. C'est celle de Red River. Et faut pas trop. De Big Sky. Et faut pas trop, en croire trop la suite symphonique, parce que la suite symphonique, en fait, c'est aussi pour avoir une œuvre achevée et indépendante du film, et en même temps c'est pour la vente de disques aussi. Et faut pas oublier que la musique dans un film, elle est mixée, c'est-à-dire que le niveau est baissé, monté, et que y a les voix et les bruits qui sont mélangés, donc c'est un autre tissu sonore. Mais justement, alors quand il y a Rio Bravo, le chef-d'œuvre de Hawks certainement, ce qu'il se passe, c'est que Tiomkin intervient non plus sur les principes de définir, intervient comme partie prenante totale et fait autant partie du bruit, des paroles et tout. Et là, il y a vraiment l'osmose. Et tout fonctionne là-dessus. D'ailleurs, on va l'entendre avec l'ouverture de Rio Bravo. You're under arrest. Maybe so, but don't turn around, Sheriff. Now what are you going to do, Sheriff? You can do just about what you want, Chance. Anybody else you want besides Joe? No. Give me a hand. Il faut dire aussi que Rio Bravo, contrairement aux autres films où Tiomkin et Hawks ont travaillé, il n'y a plus la plaine, c'est le lieu clos. C'est une ville, une prison, des gens enfermés, et peut-être que le travail musical de Tiomkin à ce moment-là ne peut plus se permettre les envolées lyriques et mélodiques qu'il a l'habitude de faire sur les grands espaces. Il est obligé donc de la cristalliser, de la synthétiser, de la moderniser au sens du modernisme dans le contexte même du film. Et ce qu'on vient d'entendre, l'ouverture d'ailleurs, est que des musiques en situation et non en situation se mélangent avec des sons, des bruits, des paroles, la musique s'arrête, revient, et qu'il y a un travail très différent de ce qu'on pouvait connaître de Tiomkin à l'époque avec Hawks. Oui, parce que, de toute façon, son précédent travail avec Hawks remonte, comme on le disait tout à l'heure, au à la Terre des Pharaons. Mais il y a aussi, c'est ça très amusant du point de vue ironique, c'est qu'en fait, il faut bien voir que Rio Bravo, et ça c'est important, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un remake contradictoire du Train sifflera trois fois. Oui, il estimait que c'était l'histoire d'un type qui passait son temps à trouver trois personnes. À demander de l'aide. Pour tuer des tueurs, ouais. Et qu'en fait il prouvait à la fin du film en deux minutes qu'il y avait 20 personnes. Donc, l'escroquerie totale. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, il a repris le même musicien, puisque Tiomkin avait fait la musique du Train sifflera trois fois. Et le même, non seulement le même thème, mais le même musicien. Et ça, évidemment, la ville comme espace, c'était évidemment tout à fait autre chose que d'avoir des grands espaces de Red River et de Big Sky. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a entendu, c'est l'exposition qui fait appel à des mouvements et à des allées et venues de personnages entre un bar et l'extérieur, et c'est un déplacement, comme vous le disiez hors antenne, ça fait penser à de la musique de ballet, et non seulement c'est réglé comme avec des obligations, des contraintes de thèmes et de motifs sur des petits temps, avec un découpage très très cut, très cut, oui, très court qui se suivent, avec des contrastes, des changements nets, oui. Etc. Mais alors, en l'écoutant, tout d'un coup, ça m'a fait penser beaucoup plus loin que ça, au ballet final de Bandwagon. Le film de Minelli. Le film de Minelli. Le ballet final, Lady in the Dark. Oui, parce qu'il y a une manière d'installer le ballet et de faire des traversées d'espace extrêmement narratives et factuelles. Et en fait, la musique, par son caractère même, y faisait penser. Alors, ce qui est intelligent chez Hawks, c'est qu'au lieu de se contenter de ce système de l'ouverture qui est remarquable, il va multiplier les possibilités différentes d'exploitation de ce genre de système tout le long du film. À l'intérieur du film. Et nous allons écouter la séquence de la ronde de nuit, où là, Dean Martin et John Wayne marchent chacun d'un côté de la rue en attendant ce qui va se passer. C'est le même système musical, mais complètement inversé, comme une suite qui ne peut pas se coupailler, comme une suite qui n'est pas faite, disons, de cut, d'arrêt et de bruit. Et c'est presque, disons, le western classique, avec seulement quelque chose derrière dans la musique qui le casse. You got any particular reason for going out tonight? Usually do. Don't want to do anything different. They might think we're scared. Well, aren't we? I just can't take it sitting in there. You mean you saw I couldn't take it? Don't set yourself up as being so special. Think you invented the hangover. I could sure take out a patent for this one. Good evening. Yes, sir. Shoot, Sheriff. Just getting a little air. Mm-hmm. I'm getting jumpy. I'll walk along with you and hold your hand. Get back over there where you belong. Yes, Papa. Alors là, ce qui est assez remarquable, c'est de voir comment tous les systèmes précédents, entre Dead River, éléments, sifflement, bruit, attente, fonctionnent. Et il faut quand même rappeler que le système de Hawks est fait sur des scènes de tension et des scènes de relâchement, qui ne sont pas forcément des relâchements sans tension. Des relâchements de détente et d'autres de tension. Je dirais plutôt, sans faire de jeu de mots, c'est une rétention. Une rétention, exactement. Et que là, dans cette ronde de nuit où des gens marchent, on sent quelque chose qui pourrait exploser et qui n'explose pas. Et là, Tiomkin, qui est pourtant un grand lyrique, c'est un robinet lyrique que cet homme-là, là, il retient son lyrisme et en utilisant tous les instruments possibles, c'est qu'il y a tout qui existe, y compris des percussions légèrement derrière, les chœurs. C'est les une sorte de rideau, c'est comme un rideau qui, au-delà duquel serait le hors-champ menaçant qu'on verra par la suite dans le film ou qu'on a vu avant, mais qui est tenu, qui est comme maintenu par cette espèce de rideau sonore, qui est comme un orchestre au deuxième plan. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, Biette, c'est que il est vrai que l'utilisation des instruments dans cette séquence, qui paraît complètement comme une tapisserie, comme un tissu, mais si on commence à chercher un peu dedans, il y a une richesse d'instrumentation étonnante dans cette séquence qu'on entend. Oui, enfin, disons, il y a un art d'orchestrateur qui doit beaucoup à la, aux musiciens russes, un petit peu à Busoni, mais un peu à Mahler. Enfin, on peut pas dire que ce soit un style très personnel, c'est un style très synthétique, en fait. Très, je dirais, cosmopolite. Et, finalement, la musique de Tiomkin est personnelle, essentiellement, je trouve, à cause de Hawks, parce qu'avec les autres cinéastes, sa musique est beaucoup plus, facile et anecdotique, beaucoup moins inventive. Mais là, par exemple, on entend un moment un petit peu de guitare, on entend un petit peu un thème qui se mélange à un autre. Il y a le thème de Deguelo qui apparaît. On a l'impression que dans cette séquence, c'est Tiomkin qui a on lui indique qu'il doit résumer tout ce qu'il y a eu dans le film, qu'il va y avoir, avec des thèmes différents de situations, jamais de personnages, comme une espèce de latence qui va exploser. C'est-à-dire qu'on a déjà tous les thèmes d'avant et d'après qui se mélangent avec des instruments bien précis. En fait, c'est une sorte de vision de la mémoire des personnages. Avant et après. Avant et après, oui. Avant et après, oui. À la fois une vision de la mémoire et une vision annonciatrice. Enfin, c'est comme si le présent qui est vraiment donné par le cinéma de Hawks était soudain traversé par des choses qui indiquent des temps différents. La musique, en quelque sorte, est à la fois leur peur, leur inquiétude, leur tension, tout ce qui psychologiquement n'est pas définissable par les paroles, qui sont importantes. Par les paroles ou que la mise en scène estime n'avoir pas à montrer. Rester objectif, enfin pour rester à une certaine distance, et qui est la grandeur du style de Hawks. Par contre, quand il va faire la scène de l'échange de prisonniers, tout le même mélange de musique se fait, mais de manière différente, c'est ce qu'on va entendre. I think I'll take along a rifle, some extra shells. Yeah. I told you I'd get out of here. Open your mouth again and we'll carry you out. See you, Stumpy. Alors là, faut expliquer. Bon, Dean Martin a été enlevé par les ennemis et eux ont leurs prisonniers, doivent les changer. Et on entend une musique qui a l'impression que c'est un régiment de cavalerie qui va faire l'échange. Ils sont trois, donc l'idée de contrepoint, n'est-ce pas, Biette? Oui. Et en même temps, l'idée d'échange, et c'est une des rares fois où on sort de la ville. Et la musique se permet de sortir un petit peu de sa lenteur et s'accélère avec des creux où elle disparaît parfois entièrement pour la parole. Où elle va en arrière-plan, comme on l'entend. Et est-ce que cela, Biette, ça n'annonce pas l'utilisation de la musique par la suite dans le cinéma américain, très différente de cette période ? Dans l'illustrative. Oui, dans la mesure où aussi le style moderne, enfin marqué par l'Europe, apparaît, et où évidemment on emploie la musique de manière plus subtile et plus, disons, avec plus de conscience des divers styles et plus. Et comme un personnage de l'action. Comme un personnage de l'action, oui, d'une façon plus critique, je pourrais dire. Parce que là, dans cette séquence, la musique sert à lancer les personnages dans le début de la situation, à les faire tourner dans la situation. La musique va peu à peu disparaître en fonction de l'action et des bruits, des coups de revolver et tout cela comme on va l'entendre. Bertat! Bertat! Nathan Bertat! We're ready. Joe's here. We're ready too. Start, dude. I'll start Joe. Go ahead. All right, Joe. You can start walking very slow. And stop if I say stop. Or I'll stop you. Bring him out. Go ahead. Slow. Vraiment, la musique a une fonction double. Elle a la fonction d'illustrer l'action, au sens le plus académique du terme, et en même temps de la décaler. Bon, on sait que par la suite, Hawks et Tiomkin ne s'entendront plus. Sur Atari, ils arrêteront de travailler, ça ne se passera pas bien. Et là, ils sont arrivés à leur maximum de collaboration. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que même dans ce principe d'illustration et de décalage, les thèmes d'autres situations du film reviennent tout le temps, soit avec des musiques populaires, qui sont réutilisés ou réinventés par Tiomkin, le thème du Deguelo, qui serait ce qu'avaient joué les Mexicains au moment de la mise à mort des Texans dans le Fort d'Alamo, que ce soit la musique qui est chantée à un moment dans le film par Ricky Nelson, et Walter Brennan et Dean Martin. Et à chaque fois, il y a une espèce de jeu comme ça sur tous les éléments composites de la tapisserie. Mais on sent que l'espace du film, l'espace de la tradition du western, ne peut pas tenir. On est en 57, c'est fini. Et que la musique traditionnelle d'un Tiomkin qui aurait pu exister à l'époque de Rivière Rouge, ce qu'on a écouté au début, ne peut plus exister. Donc ça doit se casser. Mais ça se casse avec une grande élégance tout en respectant les données du classicisme. Et ça, je crois que c'est assez surprenant. Mais c'est aussi parce qu'ils ne savent pas que c'est la fin du western. Donc Rio Bravo, c'est vraiment un des derniers grands westerns, et simplement à l'époque, je crois que personne n'en a conscience. Il faut attendre quelques années avant des films comme qui n'est pas de Hawks, mais L'homme qui tue à Liberty Valance, où là on est passé à une autre époque. Donc il y a encore une très grande confiance dans le pouvoir de la musique de s'inventer une utilisation narrative très très faite sur une sorte de combinatoire tel que Hawks pratique dans sa mise en scène, c'est-à-dire changer des éléments, en garder des éléments permanents et inventer tout le temps en faisant une modification, enfin le côté ingénieur de Hawks, quoi. Et il y a ça avec Rio Bravo. Mais pour vous, quand vous écoutez la bande-son de Rio Bravo de Hawks, vous qui êtes quand même un spécialiste de musique, Biette, hein, et cinéaste également, est-ce que pour vous c'est un exemple à suivre dans un cinéma qui voudrait justement utiliser le processus de l'illustration et en même temps pouvoir le décaler? Parce que jusqu'ici, nous avons vu dans la série d'émissions des gens comme Prokofiev, des gens comme Bernard Herrmann ou Nerota qui ne sont pas des illustrateurs, qui sont des éléments donnés en plus, en ajout, en regret ou en miroir. Alors qu'ici, nous avons un cas, c'est vrai que l'émission est différente des autres, où Tiomkin est quelqu'un qui illustre à sa façon. Il obéit à la commande. Il obéit à la commande, il illustre et il trouve des choses, bien sûr, mais qui sont tout de suite, par un type aussi génial que Hawks, remis dans le contexte. Est-ce que vous, c'est l'exemple de ce qu'une musique de film devrait être, ou au contraire, c'est quelque chose qui ne peut plus exister maintenant dans le cinéma? C'est assez difficile à répondre parce que, en fait, il faut pas oublier qu'il y a une perception de la musique de film qui est beaucoup changée du fait que maintenant on voit les films à la télévision et que quand on voit Rio Bravo à la télévision, on est, je trouve, gêné par la surabondance de musique. Et cette surabondance de musique ne gênait absolument pas dans les salles de cinéma parce que, justement, cet excès de musique créait l'atmosphère qu'on était au cinéma, qu'on était dans la magie du cinéma, et la distance qu'introduit la vision des films à la télévision fait que souvent des films dont on acceptait la musique lorsqu'ils étaient projetés en salle devient beaucoup plus difficile à accepter lorsqu'on voit les films à la télévision. Alors dire que ça serait une bonne méthode d'utilisation de la musique aujourd'hui, c'est très difficile à dire parce que cette musique a quand même pas mal vieilli. Et il y a quand même un phénomène de mode et dans l'instrumentation et dans les thèmes qui fait que c'est difficile de réemployer une musique telle qu'elle est là chez Tiomkin. En plus, Tiomkin a besoin de mettre de la musique toujours dans n'importe quelle scène. À la fin, la séquence finale, la musique joue en situation ou en illustration, la séquence d'amour, alors qu'on pourrait très bien s'en passer théoriquement, mais elle est nécessaire dans la tapisserie de son film. Hi, John T. Just a second while I get my shoe tied. There. Well, it's all over, isn't it, John T? Where'd you get those things? I wore them the last place I worked. Why are you wearing them now? Oh, tonight's a big night, Consuelo. I thought a little entertainment might help. I'm gonna do a song. You need a rig like that to sing? You haven't heard me sing. My legs aren't so bad. Consuelo thought these tights might help, but you don't like them. I didn't say that I didn't like them. And you don't want me to wear them. I didn't say that either. Is it because they show so much of me? They certainly do that. Oh, you're a stubborn, stubborn man, John T. Sometimes I know what you're thinking and... Donc, comme on le voit là, il y a la musique de piano qui vient de l'extérieur, il s'explique, on pourrait rester dans l'explication, et Hawks renvoie une musique qui exprime un sentiment redondant par rapport à ce qu'elle dit, parce que c'est logique par rapport au système de son film. Oui, c'est un emploi très cinématographique, c'est-à-dire c'est comme si toute la musique de Tiomkin, avec ses facilités, son côté un peu brillant, était absolument canalisée par la mise en scène de Hawks, de telle sorte que les choses ont un sens, alors que si on prend les musiques de Tiomkin pour d'autres films, je pense au Canon de Navarone par exemple, il n'y a aucune direction, c'est une musique très grossière. Mais pourtant... Quand Tiomkin fait la musique d'un film, et ça c'est dès les années fin des années 40, le thème sert après à être vendu dans le commerce et se vend très bien au niveau populaire. Alors que des gens comme Bernard Herrmann ou Miklos Rocha, des gens beaucoup plus musiciens et sachant décaler entre leur travail d'illustrateur de film et leur musique spécifique, eux, ne sont pas aussi... attirant. Oui, mais ça, c'est très curieux parce que c'est une contradiction totale en fait. La musique n'est en fait que pour le film, elle devient un best-seller, un top, vous savez, le top cash, les top 10 à l'époque. Mais ça, c'est lié aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est que Tiomkin a un grand sens mélodique. C'est quelqu'un qui invente des thèmes de films qui sont très beaux, enfin qui en tout cas frappent bien la mémoire et se retiennent et sont liés au climat du film. Parce que dans ces thèmes, il arrive à retrouver le caractère spécifique de chaque film dont il fait la musique. Say what? That you loved me. I said I'd arrest you. It means the same thing, you know that. You just won't say it. Oh, we're different. I'll have to get used to you. Me, I just talk all the time. You most certainly do. You'll get used to that. You'll have to. Either that or stop talking too. Tell me something. These tights. Now, why didn't you want me to wear them? Because I didn't want anybody but me to see you in them. Oh, I like that. You're getting better already. Shall I save them and wear them just for you? Alors, il est vrai aussi que quand, dans les années 50 et 60, des gens non cinéphiles, mais s'intéressant aux musiques écrites autrement que pour le concert ou la scène d'opéra, se sont intéressés aux musiques de films, Tchomkin a été un de ceux les plus rejetés. Il était considéré comme une sorte de mercenaire, d'homme qui travaillait musicomètre. Et il est vrai aussi que même quand on écoute Tchomkin, même si c'est très beau, il est vrai qu'on aime beaucoup plus ce qu'on entend si on a la mémoire des films qu'on a vus. Et que sans la mémoire des films, c'est un peu différent. Alors, est-ce que ça veut dire que... Parce que moi, j'ai beaucoup hésité quand je me suis dit, bon, on fait la musique de film, on prend Prokofiev, Bernard Herrmann, Nino Rota, Morricone, on met Tchomkin. Tchomkin, ça paraît être la part qui va, bien sûr, être la plus négative par rapport à une idée d'une musique qui existe sans le film. Mais en même temps, est-ce que ça n'est pas un travail extrêmement intéressant de voir comment quelqu'un arrive à être aussi caméléon tout en restant lui-même sur les lignes mélodiques dont vous parliez avant? Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand on ne peut pas se souvenir d'une séquence de Hawks sans se souvenir aussi de la musique qui est dedans. Enfin, moi, j'ai une mémoire des séquences des films de Hawks tout à fait liée à la musique. Et pourtant, je trouve pas que Tchomkin soit un si grand musicien que d'autres qui ont fait des musiques de films, mais il fait partie intrinsèquement des films de Hawks. En plus, il est vrai que, alors que Herrmann, alors que Korngold, alors que Waxman ont écrit des musiques Victor Jung. Spécifiques, hors du cinéma à côté, et joué et interprété et admiré par les musicologues et les musiques. C'est vrai que Tchomkin n'a fait que des chansons à côté, d'ailleurs toujours tirées plus ou moins, disons, des films qu'il a travaillé, mais n'a pas eu d'activité de musicien autonome en dehors de la musique de film. Pas que je sache, mais... Mais vous l'aimez quand même? Je l'aime uniquement en rapport avec les films de Hawks. Par ailleurs, quand je vois j'ai vu les canons de Navarone, ça m'a reposé du film, la musique. La musique vous a fait supporter le oui. film. Bah, c'est déjà pas mal, alors. Alors, bon, on va écouter le tout final de Rio Bravo, et puis je vous remercie, Jean-Claude Biette. You think I'll ever get to be a sheriff? Not unless you mind your own business. C'était Musicien pour Musique, quatrième émission du Musicium King Award Hawks avec Jean-Claude Biette, équipe de réalisation Catherine L'Héritier, Viviane Noël et Patrick Antena. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 23 février 1989. Vous pouvez la réécouter à volonté et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.